la coquetterie des Liménéennes. Car chez les Ozou, où on l'avait connue si jeune, si gaie, si insouciante, si petite fille, on n'était pas encore revenu de la résolution qu'elle avait prise soudain, à la mort de la maman, de rentrer en toute hâte au Pérou, pour diriger l'une des plus importantes concessions d'un engrais naturel qui tend de plus en plus à disparaître de ces îles précieuses, longtemps productrices du meilleur guano du monde. Mais Marie-Thérèse ne pouvait oublier qu'elle avait là-bas une petite sœur et un petit frère, en bas âge, Isabella et Cristobal, et elle connaissait son papa qui était encore plus enfant que trois et qui ne savait que dépenser en grand seigneur dans ses voyages à Paris tout l'argent que la maman avait gagné. Celle-ci, fille d'un armateur de Bordeaux, avait épousé le séduisant marquis Cristobal de la Torre, attaché à la légation du Pérou, dans le moment que ce charmant seigneur avait le plus grand besoin de redorer son blason. La connaissance s'était faite pendant la saison des bains de mer à Pontaillac. L'hiver suivant, la marquise s'embarquait pour le Pérou, où elle apportait, en plus de sa dot, un esprit politique, des dons de négoce, une intelligence commerciale peu ordinaire, qui lui firent entreprendre, au grand désespoir de son mari, cette affaire de guano, pendant que d'autres se ruinaient à chercher de l'or dans un pays qui en contenait plus que tous autres, mais qui manquait alors de moyens de communication. Cependant, le marquis, voyant qu'il pouvait puiser à pleine main dans une caisse qui se remplissait sans cesse, pardonna à sa femme de le faire si riche, et à la mort de celle-ci, ne s'étonna point outre mesure de retrouver dans sa fille les utiles vertus de la mère. Il la laissa faire ce qu'elle voulait, et lui eut un gré infini de s'occuper de toutes les affaires sérieuses. « Où est-il, mon bon Cristobal ?» demanda l'oncle François Gaspard, tout en surveillant le chargement de ses bagages. « Il ne vous attend que demain. Vous allez avoir une réception. Une réception solennelle, monsieur Ouzou, qui vous a été préparée à la Société de géographie. » La malle aux documents ayant été soigneusement enregistrée à la gare, François Gaspard consentit à monter dans l'auto, qui prit à toute vitesse le chemin de Lima. Marie-Thérèse voulait arriver avant le soir qui tombe si vite dans ces contrées. Après avoir dépassé l'agglomération des maisons en adobe, briques cuites au soleil, et quelques villas confortables, ils longèrent une sorte de marécage couvert d'ajoncs et de roseaux, entrecoupé de bosquets de badaniers et de tamaris au ton rougeâtre, de pépinières d'eucalyptus et de pins au racaria. Le paysage était brûlé par le soleil, par une sécheresse que ne vient jamais rafraîchir la moindre pluie, ce qui fait que le campo qui environne Lima et le Callao est médiocrement enchanteur. Un peu plus loin, ils aperçurent des cabanes en bambou et en torchis. Cette sécheresse, générale dans cette partie du Pérou, eût donné à la région un aspect d'incroyable désolation si, de temps en temps, n'était apparue quelque hacienda, ferme entourée d'une oasis verdoyante, avec ses plantations de canne à sucre, de maïs et ses rizières. Dans les chemins encaissés et argileux qui rejoignent la route, glissaient des convois de bœufs, des charrettes, des troupeaux, que des bergers à cheval ramenaient à la ferme, et cette animation formait un contraste inattendu avec l'aridité environnante. Et l'oncle François Gaspard, malgré les chaos d'une voix mal entretenue, prenait des notes. Prenait des notes. Bientôt ils distinguèrent, avec les contreforts de la cordillère, les clochetons et les dômes qui font ressembler Lima à une cité musulmane. Ils arrivèrent en côtoyant le Rimac, ruisseau sur lequel des nègres, pêcheurs d'écrevisses, étaient penchés, traînant à leur ceinture un vaste sac qui plongeait dans l'eau, dans le dessein d'y conserver les victimes vivantes. Raymond se réjouit, il adorait les écrevisses. Comme il confessait sa gourmandise à Marie-Thérèse, il fut frappé de l'air préoccupé de la jeune fille et lui en demanda la raison. « Une chose extraordinaire, dit-elle, on n'aperçoit pas un Indien. » Mais ils arrivaient à Lima, ils touchaient à la fameuse ciudad de Los Reyes, la cité des rois, fondée par le conquistador. Marie-Thérèse, qui aimait Lima dans ce qu'elle avait de plus original, eut la coquetterie de faire faire à l'auto un détour, quitte à crever ses pneus sur les galets pointus ramassés pour un grand pavage, dans le lit du Rimac. Ils furent tout de suite dans un coin très pittoresque. Les maisons disparaissaient sous les galeries de bois accrochées aux murailles. Ces galeries semblaient de véritables boîtes ouvragées, garnies de grillages et d'arabesques. Elles étaient comme de petites chambres suspendues, offrant un aspect mystérieux et coquet, rappelant les moucharabiers turcs. Seulement, là, dans leur pénombre, il n'était point rare d'apercevoir les plus jolis minois du monde, d'adorables visages de femmes qui ne se cachaient nullement. La Liménéenne est renommée pour sa beauté et pour sa coquetterie. Dans ses quartiers, elle sortait enveloppée de la manta, ce grand châle noir qui s'enroule autour de la tête et des épaules, et que nulle autre sud-américaine ne sait draper aussi gracieusement. Semblable au haïque des mauresques, la mantra ne laisse apercevoir du visage que de grands yeux noirs. Quand parfois cet abri s'entr'ouvrait, il permettait à Raymond d'admirer au passage des traits harmonieux et un teint mat rendu plus blanc par l'ombre mystérieuse où il se complaisait. Le jeune homme ne cacha pas son enchantement, ce qui lui valut d'être grondé par Marie-Thérèse. « Décidément, elles sont trop jolies sous leur mantra, » dit-elle. « Je vais vous montrer des européennes. » Et elle donna un demi-tour de volant qui les ramena dans les quartiers neufs, dans les voies larges, dans les promenades, où l'on découvre le panorama magnifique du campo environnant et des Andes prochaines. Ils traversèrent le Paso Amancoès, du nom de la fleur couleur d'or, et là Marie-Thérèse ne s'arrêta point de répondre au salut. On se trouvait en plein quartier aristocratique. Là, le voile noir des Liménéennes était remplacé par les toilettes à l'instar de Paris, car le masque trop discret de la manta est interdit le soir à toute femme distinguée. C'est à l'heure de la promenade, du glacier, où l'on s'attarde à prendre des helados, en bavardant sur l'amour, les chiffons et la politique. Ils arrivèrent sur la Plaza Mayor quand les premières étoiles se levaient à l'horizon. La foule était très dense et les voitures avançaient lentement. Des femmes parées comme pour le bal, nu-tête, une fleur dans les cheveux, se faisaient traîner dans des calèches. Des jeunes gens, groupés près d'une fontaine au centre de la place, leur adressaient des sourires, des coups de tête. C'est extraordinaire. Toujours pas un Indien, murmura Marie-Thérèse. Ils viennent dans ces quartiers? Eh, il y en a toujours pour venir voir le défilé de la Plaza Mayor. Debout devant un café, une petite troupe de métis pérorait. Les noms de Garcia et de Ventimiglia, le président de la République, étaient renvoyés de l'un à l'autre avec des commentaires plus ou moins aimables. Un commerçant gémissait de la crainte qu'il avait que l'ère des pronunciamientos ne fût rouverte. L'auto tourna au coin de la cathédrale et bientôt s'engagea dans une rue assez étroite. Comme Marie-Thérèse voyait le chemin libre, elle força un peu l'allure, mais tout à coup elle stoppa pour pouvoir éviter de faire une légère embardée. Elle avait failli écraser un homme qui se tenait maintenant au milieu de la cale, immobile, drapé orgueilleusement dans un ponche. Ils avaient reconnu l'Indien. « Huascar ! » s'écria-t-elle furieuse. « Huascar vous prie de ne pas passer par ce chemin, señorita. »« Le chemin est à tout le monde, Huascar. Éloigne-toi. » Huascar n'a plus rien à dire à la señorita. La voiture passera sur Huascar. » Raymond voulait intervenir, mais Marie-Thérèse l'arrêta du geste. « Écoute, Huascar, ta conduite est étrange, » fit la jeune fille. « Pourrais-tu me dire pourquoi on ne voit plus un Indien dans la ville ?»« Les frères de Huascar font ce qu'ils veulent, ce sont des hommes libres. » Elle haussa les épaules, sembla réfléchir. Puis, cédant la prière de l'Indien, elle se disposa à prendre un autre chemin. Au moment de partir, elle se retourna et, pensive, dit à l'homme qui n'avait pas bougé. « Tu es toujours mon ami, Huascar ?» L'Indien, à ces mots, se découvrit lentement et leva les yeux vers les premières étoiles, comme pour attester le ciel que Marie-Thérèse n'avait pas de plus grand ami sur la terre que Huascar. Ce fut sa seule réponse. La jeune fille lui cria un bref « adios » et l'auto s'éloigna. Elle s'arrêta en face d'un magnifique hôtel dont le concierge se précipita au-devant de Marie-Thérèse. Mais un personnage avait été encore plus rapide que lui. C'était le marquis Cristobal de la Torre, dont la calèche venait également d'arriver. Il jeta de véritables cris de joie en apercevant les voyageurs qu'il n'attendait que le lendemain. Il salua François Gaspard en termes magnifiques et lui montrant la porte de sa demeure. « Mettez pied à terre, seigneur, et reposez-vous ici, vous êtes chez vous. » Le marquis était un petit homme d'une excessive élégance. Il était mis comme un jeune homme et ne perdait pas un pouce de sa taille, sur laquelle il essayait de tromper en chaussant des bottes à haut talon. Il était vif, remuant, scintillant. Quand il se déplaçait, et il était rare qu'il restât en place, tout brillait en lui, sur lui et autour de lui. Son regard, sa cravate éclatante, ses bijoux et les alentours en étaient comme illuminés. Ce remuement singulier ne l'empêchait pas d'avoir les plus beaux airs du monde et même de rester grand seigneur dans des moments où d'autres, pour y parvenir, eussent dû montrer du calme, du détachement et de la sévérité. Sa plus grande joie, hors de son cercle et de la géographie, était de faire des parties extravagantes avec le petit Cristobal, son fils âgé de 7 ans. On les eût dit tous deux échappés de l'école, et ils remplissaient la maison de leur culbute, pendant que la petite Isabella, qui entrait dans sa 6e année et qui aimait la cérémonie, les grondait pompeusement avec des matières d'infante. L'hôtel du marquis avait cette particularité d'être mi-moderne, mi-historique. Il présentait des coins de vieilles maisons tout à fait curieux et inattendus. Cristobal avait fait transporter là d'antiques pans de murailles de bois, des galeries plusieurs fois centenaires, des bouts d'escaliers vermoulus, des meubles rustiques datant de la conquête, des tapisseries décolorées. Enfin, tous les débris qu'il avait pieusement ramassés dans les différentes villes du Pérou où avaient vécu ses ancêtres. Et naturellement, à chaque objet se rapportait une anecdote à laquelle le visiteur bénévole n'échappait jamais. C'est dans ce coin historique que l'oncle François Gaspard et son neveu Raymond furent présentés à deux vieilles dames qui paraissaient tomber d'une toile de Velasquez et avoir la plus grande peine à se relever. La tante Agnès et sa vieille duègne, Irène, étaient habillées selon les modes disparues et semblaient, elles aussi, avoir été apportées dans l'hôtel avec toutes les antiquités. Le meilleur de leur temps passait à se raconter des histoires pour se faire peur. Toutes les légendes du Pérou s'étaient réfugiées dans ce coin où, le soir après dîner, les deux Cristobal, père et fils, et la petite infante Isabella, venaient les entendre, en frissonnant. Cependant que Marie-Thérèse, à l'autre bout de la pièce, sous la lampe, mettait à jour sa correspondance avec ses entrepositaires de guano. François Gaspard conçut une joie sans mélange de retrouver vivantes ces vieilles images de la Nouvelle-Espagne dans un cadre où il sentait déjà s'exalter sa dangereuse imagination. Il fut tout de suite l'ami des deux dames, prit à peine le temps de changer de toilette, revint tout de suite les trouver, et à l'heure du dîner s'installa à table entre elles deux. Elles commençaient déjà leur compte, quand Marie-Thérèse crut devoir parler de choses sérieuses et mit son père au courant de l'incident des Indiens et des Chinois. Sitôt qu'elle surent que Marie-Thérèse avait chassé les Indiens, Agnès fit des réserves et Irène se lamenta. La jeune fille s'était conduite, prétendait-elle, avec beaucoup d'imprudence, et la veille des fêtes de l'Interraimi. Le marquis fut de leur avis. Quand il sut que Huascar lui aussi était parti, il se récria. Huascar avait toujours été fort dévoué à la maison. Que pouvait-il se passer pour qu'il abandonnât celle-ci d'une façon aussi brusque? Marie-Thérèse expliqua brièvement que, depuis quelque temps, elle n'était pas contente des manières de Huascar et qu'elle le lui avait fait entendre. « C'est autre chose, dit le marquis. Tout de même, je ne suis pas tranquille. Je ne trouve plus aux Indiens leur indifférence accoutumée. Il y a quelque chose dans l'air, quelque chose autour de nous. L'autre jour, sur la Plaza Mayor, j'ai entendu des métis échanger des propos étranges avec certains chefs quichuas. » L'approche de la fête du soleil. Comment se fait-il, demanda Raymond, que nous n'ayons plus rencontré d'Indiens depuis Callao et que je n'en ai pas vu un seul dans la ville? Eh, toujours pour la même raison, monsieur, fit la vieille Agnès. Parce que nous approchons de la fête. Ils ont des réunions secrètes. Ils disparaissent dans la montagne ou simplement dans des trous connus d'eux seuls, dans de véritables catacombes comme en avaient les premiers chrétiens. Il suffit d'un mot d'ordre venu d'on ne sait quel coin perdu des Andes pour les faire s'effacer comme des ombres, puis réapparaître comme une nuée de sauterelles. Ma sœur exagère, interrompit en souriant le marquis, et entre nous, ils ne sont pas bien dangereux. Vous êtes tout de même inquiet, Cristobal, vous l'avez dit vous-même. Oh, je les crois très capables de se livrer à quelques manifestations inattendues. Est-ce qu'ils se révoltent quelquefois? Demanda François Gaspard. je les croyais tellement abrutis. » Ils ne le sont pas tous. Oui, nous avons eu quelques révoltes, mais ça n'a jamais été bien grave. Ils sont nombreux, interrogea Raymond. Ils forment les deux tiers de la population, répondit Marie-Thérèse. Mais entre nous, ils ne sont pas plus capables de se soulever sérieusement que de travailler. C'est l'aventure de Garcia qui les a remués un peu. Il y a trop longtemps qu'on était tranquille. Qu'en dit le président ? Demanda la jeune fille à son père. Le président ne s'inquiète pas outre mesure. Il paraît que tous les 10 ans, cette effervescence se renouvelle. Pourquoi tous les 10 ans ? Fit l'oncle Gaspard, qui avait sorti son carnet de notes. Parce que tous les 10 ans, il y a chez les Indiens Quichua une plus grande fête du soleil, répliqua en hochant la tête l'antique reine. Et où se passe-t-elle cette fête ? Interrogea Raymond. Ah ! On ne saurait le dire exactement, expliqua la tante Agnès à mi-voix, comme si elle allait confier à ses auditeurs un grand secret. À ce qu'il paraît qu'à cette fête, on accomplit de nombreux sacrifices. Les cendres des victimes sont jetées dans les ruisseaux, qui entraînent ainsi dans leur cours tous les péchés de la nation. Admirable ! S'écria François Gaspard. Je voudrais bien assister à ces fêtes-là. Taisez-vous, monsieur, gémit la tante en baissant la tête dans son assiette. Il y a à cette fête décennale du soleil des sacrifices humains. Des sacrifices humains ? Écoutez-vous, ma tante, fit en riant Marie-Thérèse. Mais certes, protesta l'oncle, et pourquoi donc ne la croirions-nous pas ? Aux fêtes du soleil, chez les Incas, ces sacrifices étaient coutumiers, et mes notes et documents, les ouvrages de Prescott et tout ce qu'on a écrit sur le Pérou, nous attestent que les Indiens Quichua, de même qu'ils ont conservé le langage de jadis, en ont encore les mœurs et coutumes d'autrefois. Ils sont devenus catholiques depuis la conquête espagnole, dit Raymond. Oh, ça, j'avoue que ça ne les gêne pas, reprit le marquis. Ça fait 2 religions au lieu d'une, et ils ont mêlé les rites avec une inconscience surprenante. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils veulent ? Revenir au gouvernement des Incas ? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils veulent ? Répliqua Marie-Thérèse. Avant la conquête espagnole, sous le gouvernement des Incas, tout le monde, hommes, femmes et enfants, était astreint au travail suivant les forces et les facultés de chacun. Depuis qu'il n'est plus asservi ni maintenu par la discipline de fer des fils du soleil, l'Indien n'a profité de sa liberté que pour se livrer à la paresse la plus insouciante. De là, des misères et une servitude matérielle qui le font se souvenir de la prospérité de jadis et redemander sournoisement le retour du règne des fils de Manco Capac. C'est du moins ce que j'ai cru comprendre aux explications de Bhaskar. À quoi je lui ai répondu que, si ces temps revenaient, ses frères ne seraient pas plus heureux, attendu qu'ils ont perdu l'habitude du travail. En ce qui me concerne, je suis fort heureuse de m'être débarrassée de la bande de Bhaskar. Ça m'a coûté un chinois, mais ça n'est pas trop cher. Et c'est vrai qu'il y a encore des sacrifices humains, insista Raymond. Mais non, quelles histoires, dit Marie-Thérèse. La tante Agnès et la vieille reine entreprirent François Gaspard. Marie-Thérèse ne sait pas, elle a été élevée à Paris. Elle ne peut pas savoir. Cher monsieur Ouzou, écoutez-nous. Il n'y a pas de quoi rire. Elle a tort de rire comme ça. Car nous sommes absolument sûrs, vous entendez, absolument sûrs. On a assez de preuves, mon Dieu. Que tous les 10 ans, ce qui est à la grande mesure de temps chez les Incas, les Indiens Quichua offrent une épouse au soleil. « Comment ça, ils offrent une épouse ?» demanda l'oncle qui n'en respirait plus. « Mais oui, cher monsieur Ouzou, ils lui sacrifient une jeune femme en secret dans des temples qui datent de ce temps-là et où l'étranger n'a jamais pénétré. C'est horrible, mais c'est sûr. »« Ils sacrifient une jeune femme, ils la tuent ?»« Mais oui, ils la tuent puisque c'est pour le soleil. »« Comment la tue-t-il ? Il la brûle ?» Non, non, c'est plus affreux que cela, monsieur Ouzou. Oui, plus affreux. Le bûcher, c'était pour des cérémonies beaucoup moins importantes. Mais dans la cérémonie décennale de l'Interraimi, c'est une vierge ennemie, la plus belle qu'ils peuvent trouver et la plus noble de la race ennemie, qu'ils offrent à leur soleil, et ils la murent vivante dans le temple de leur soleil. Oui, cher monsieur Ouzou, c'est comme on vous le dit. Marie-Thérèse ne se retenait plus de rire, devant l'ahurissement de François Gaspard. Celui-ci lui jeta un coup d'œil d'enfant rancuneux, troublé dans son plaisir. Il crut encore devoir prendre la défense des vieilles femmes. Tout ce qu'elle disait, en tout cas, concordait parfaitement avec ce que l'on savait des Vierges du Soleil. Et il trouva la minute propice à l'étalage de son érudition. Les sacrifices humains avaient toujours été en honneur chez les Incas. Tantôt les victimes étaient offertes au dieu du jour, tantôt au roi lui-même, et souvent ces victimes étaient volontaires. C'est ce qui arrivait lors de la cérémonie des funérailles royales, où le sang coulait de toutes parts avec les larmes. Alors, parmi les femmes de l'Inca, c'était à qui s'immolerait. Prescott, qui est avec Wiener, fit l'oncle François Gaspard, celui qui a édifié le plus beau travail sur l'empire des Incas et sur la conquête du Pérou par les Espagnols. Prescott nous dit, en s'appuyant sur des témoignages les plus dignes de foi, que plus de 1000 serviteurs, épouses et servantes, étaient ainsi sacrifiés sur la tombe du monarque. Et c'étaient les épouses légitimes qui donnaient l'exemple en se frappant elles-mêmes. « Ah, les folles ! Ah, les folles !» s'écria la tante Agnès en joignant les mains. La vieille reine se signa et marmotta une prière. Le marquis prit la parole pour féliciter François Gaspard. « Tout cela est exactement, cher hôte, lui dit-il, et nos travaux de la Société de géographie et d'archéologie vous trouveront, je le vois, très avertis. Tant mieux, nous ne ferons que du meilleur ouvrage. Si vous voulez, dès demain, après votre réception, je vous conduirai à mes dernières fouilles, aux environs d'Ancon. Et là, vous pourrez constater que l'Inca était en effet enterré avec ses outils les plus précieux et avec ses femmes qui devaient le suivre dans les demeures enchantées du soleil. » Qu'est-ce que c'était exactement, demanda Raymond, que la Vierge du Soleil? Les Vierges du Soleil, reprit avec une joie enfantine François Gaspard, les élus, comme on les appelait, étaient des jeunes filles vouées au service de la divinité, qui étaient retirées de leur famille à un âge tendre et mises dans des couvents où elles étaient placées sous la direction de certaines matrones âgées, mamakonas, vieillies dans les murs de ces monastères. Sous ces guides vénérables, les vierges consacrées étaient instruites de la nature de leurs devoirs religieux. Elles étaient occupées à filer et à broder, et avec la belle laine de la vigogne, elles tissaient des tentures pour les temples et les étoffes pour l'Inca et pour son ameublement. « Oh ! Fit la vieille reine en hochant la tête. Leur devoir était surtout de veiller à la garde du feu sacré que l'on obtenait à la fête de la Raimi. Oui, oui, je sais, approuva l'académicien. Elles vivaient absolument isolées. Du moment où elles entraient dans l'établissement, elles renonçaient à toute relation avec le monde, même avec leur famille et leurs amis. L'Inca seul et la Koya, ou reine, pouvaient entrer dans l'enceinte consacrée. On surveillait avec soin leurs mœurs, et chaque année des visiteurs étaient envoyés pour inspecter les institutions et faire des rapports sur l'état de leur discipline. « Et malheur à l'infortuné convaincu d'une intrigue !» s'écria la tante Hélène. D'après la loi sévère des Incas, elle devait être enterrée vivante, et la ville ou le village auquel elle appartenait rasée jusqu'au sol et semée de pierres, comme pour effacer jusqu'à la mémoire de son existence. Parfaitement, obtempéra François Gaspard. D'où pays ? Fit Raymond. Hé, mon garçon, ceci prouve qu'il était admirablement civilisé, puisque tu y retrouves jusque dans les cérémonies de ses temples les coutumes de la Rome antique. Ah ! Christophe Colomb, en touchant au rivage, où il ne vit que des sauvages enfermés et grossièrement armés, ne se doutait pas que, derrière ces tribus primaires, il y avait, sur l'autre versant des mers, tout un monde avec ses mœurs, ses monuments, son histoire, ses lois et ses conquêtes, deux peuples, celui des Aztèques au Mexique, celui des Incas au Pérou, qui eussent pu rivaliser avec la civilisation méditerranéenne. C'est comme si un prince venu de l'Orient eût découvert le monde ancien en touchant les steppes de la City. Il eût pu revenir dans ses états, croyant qu'il n'avait vu qu'un désert, et il ne se serait pas douté qu'il y avait le monde romain derrière. Tout de même, il eût été un peu bouché, émit timidement Raymond. Un véritable conquérant, avant de voir sa conquête, la devine. Ce fut la gloire des Pizarres et des Cortés, s'écria le bouillant marquis. Oui, ils sont venus tout détruire, commença l'oncle. Heureusement, Cristobal ne l'entendit pas et il s'arrêta à temps. Mais sous la table, Marie-Thérèse, qui était en face de lui, lui avait marché sur le pied. Il comprit et se mordit les lèvres. L'un des premiers de la Torre, ancêtre du marquis, avait accompagné Pizarre dans sa destruction. Les deux vieilles dames, elles, avaient entendu, et elles marquaient quelque effarement d'un jugement aussi sommaire et aussi peu catholique sur une entreprise qui, à leurs yeux, avait été celle avant tout de la vraie religion contre les infidèles. Mais Marie-Thérèse veillait, et elle rejeta tout de suite les deux vieilles péruviennes à leur histoire de bonne femme. « Tout cela est fort beau, fit-elle, mais ne nous prouve nullement que ces sacrifices humains existent encore de nos jours. » « Ah, malheureux enfant, il n'y a que vous qui en doutiez, s'écrièrent-elles ensemble. « Qui est-ce qui les a vus ?